restera le meilleur. Marc Jérôme Gomer, le distributeur automatique. Et Nalan Dédi, pour Hiver, une beauté dans Paris. Pierre Tcheng et Jean-Claude Mangan, les transiteurs efficaces. Henri Dourda, pas de l'avant. David Meng est là, la force tranquille du Sud. Jean Diana, même en haut. JCB Color et Dominique Andomo, les mignons garçons d'Apollina. Tobole yande mouminje, Amayambe yande wa. To amole leçon de nous moumi, Amadi madi manende owa. Le mignon, c'est le ça et doubé. L'angouya m'obomina, voici ta qui s'emba ton son. Banawe, mama oh lolo. Surtout les bons, très rares de nos jours.